Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Manalus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Je bouge plus. Oh, je bouge plus. Et oui, donc c'est le second numéro, deuxième shop de l'apéro original. On bouge plus, on est bien là. Hein. Ah, on est bien. Avec un bon petit jingle. Des familles. Des familles d'introduction. Si, la famille. Je suis à nouveau avec un certain G81. Bonjour. Et un certain Asto81. H81. C'est la lettre de la famille, GH. Mais qui sera le prochain? Oh merde! Il n'y a pas assez de lettres. Donc, on a décidé de refaire un autre épisode, histoire de rigoler un coup. Oh les cons, ouais. Ils ont remis ça. Votre fois, j'ai un jingle cette fois. Eh oui, j'ai un petit peu préparé. En fait. On se professionnalise. Putain, le mec, il a préparé le podcast. Ouais. De belle monde. J'ai fait 4 jingles. Ouh, putain. Ouais. Et aucun pour moi. Ah, c'est vrai. Tout pour les autres. J'avais pas d'idée pour rien moi. Rien pour moi, tout pour les autres. Donc, on va faire toujours la même formule, donc un ça va, c'est bien houblon, ou un ça va houblon, ou en fait, on va déguster une bière, une bonne bière, ou pas, ça se trouve, on va pas la trouver bonne. Et on se battra à coups de tesson si elle est pas bonne. Non, c'est des verres consignés, donc... ensuite, on aura donc un dossier, un quiz... Et une pause musicale. Un petit peu de musique. Et voilà. Et on va découper comme ça en 3 parties, pour pas que ça fasse trop long. Sur 5 heures la dernière fois, 5 heures d'une traite, ça fait un petit peu beaucoup, je trouve. Ah, mais on avait fait du double emploi, en fait. Oui, en plus, on avait fait le... Ah, forcément. Le twist. Le plot twist. Voilà. Et au final, c'était trop long. Non, bon. Mais plus c'est long... Plus c'est bon. Plus c'est long. Plus c'est long à télécharger. C'est ça. Oui. Bon, c'est une connexion de merde comme moi. Faut avoir une bonne connexion. Ouais. Du coup, on va pouvoir attaquer tout de suite le. C'est bien houblon. Qui c'est qui a le décapsuleur de la destinée? Ah. On commence. Moi, j'ai pas besoin. On fait du. J'ai pas trop de. Y a du retour dans le micro? Est-ce que j'ai pas trop de retour moi? Si, non, en fait, t'as pas le retour du micro, t'as le retour que des jingles. D'accord. Bon, on va faire à l'instinct. On s'approche délicatement. Oh! Ouais, il doit être pas mal. Un bruit. Ah oui, alors! Je passe de le. De toute façon, mon collègue n'en a pas besoin, celui-là, parce qu'il est une excuse. Je saute mon tour. Il saute son tour. Alors, je vais expliquer ce que je vois quand même, parce que bon, c'est bien joli. Mais c'est pas très visuel. L'audio n'est pas très visuel. Donc, c'est une Latrappe. Trappiste. Wit. Et on n'a pas encore collé, hein. Wit. Trappiste. Joli, parce que c'est Wit. Je sais pas où ça vient. C'est des salopards de néerlandais. C'est 8. C'est une bière blanche, belge. Belge, si voilà. C'est 8. 5,5 volume d'alcool par litre d'alcoolémie. Par litre de sang. Quoi? Par litre de sang. Donc je vais verser ça. Et. En espérant ne pas trop avoir la polio. Pas comme moi, parce que moi j'ai la polio. Ouh, ça mouche! Bien en prendre le mousse. Alors si ça prend du temps, mes amis poditeurs, c'est parce qu'en fait, la mousse est à son comble. Ah, c'est bon. Ouh, déjà, ça me manque. Rien que d'ici, déjà. Mmh, c'est parfumé. faire un autre sub-bob ou pas? Non, je vais le transfert après. Sentez-moi ça. Oh, ça sent bon. Ça sent la bidouze. Ouais. Non, je trouve qu'il y a un petit... C'est une quoi? C'est une blanche? Ah ouais. Ah ouais. Il y a un petit truc. Un grume, je sais pas, c'est bizarre. Ben moi, je n'ai pas de poison de décaps, puisque c'est une bouteille sans décaps. Waouh. Il triche. Donc c'est une paix dieu. P-A-I-X, pas P-E-T. Donc c'est une bière... c'est une belge triple à 10%. Donc on va goûter ça. 10. Monsieur commence fort. Oui. Oh. On peut pas faire plus, hey. Plus sonore. On peut pas faire plus sonore. Mon Dieu. Ami poditeur, la personne a voulu servir le verre ou la bouteille. J'en ai pas compris. Oh putain, on va le barrer. Ce soir, c'est le drame. Ça marche pas. Il ne se remplit pas. Elle est très très claire. Ouais. Oh, la couleur est sympa. Je pense qu'on a pété l'oreille des auditeurs. C'est possible. 4 À un moment, je vais avoir un pic. Boum. Quand tu vas écouter le deuxième coup, tu vas. Ça a l'air bon tout ça. C'est une ambrée, non, c'est ça? Non, non, je crois que c'est une blonde. C'est une triple blonde, il me semble. Jolie couleur. Bien, bien. C'est pas celle-là que j'ai pris en ambrée, c'est la bouche. Ah oui, c'est vrai. Oui, nos amis politains, on digresse. Donc moi, quant à moi, j'ai pris une bière artisanale qui est produite dans le coin. 12540 Saint-Belize. Donc c'est une bière véronaise. Brasserie qui s'appelle la Cossenarde et c'est la bière ambrée. Donc voilà. Que j'ai acheté à Cordes-sur-Ciel, pas trop loin de Albi. Ah, chute, pas de marque. Plus beau village de France 2014. On a des références ici. L'explication de cette explosion interpestive, c'est parce qu'elle est refermentée en bouteille. Ah oui, voilà. Ce qui fait que l'air doit... Oh, c'est joli. Oh, la belle couleur. Pas plus que le bord. Ça ne rentre pas. Moi j'ai trop moussé. Faut insister. Ouais. Mais donc c'est une bière sur lit refermentée en bouteille, elle aussi, orge cultivée et malt à la ferme au houblon et levure. Oh. Bah du coup, on va goûter tout ça, hein. Santé. Santé mais pas des pieds. Oh, j'allais le dire. J'allais dire qu'il fallait pas le dire. Ça manque un peu de fraîcheur, mais c'est bon. C'est vrai, oui. Il est bon. Bon bah, bonne nuit, hein. À la prochaine pour le troisième épisode. Qui n'a pas encore de nom. Qu'est-ce que vous pensez de vos bières? Ouais, bonne, moi. Franchement, elle est pas mal. Elle a pas eu trop le temps de rafraîchir. Mmh. Oui, parce qu'on vient de les acheter, ça fait à peine 10 minutes, 15-20 minutes qu'elles sont fraîches. C'est un peu dommage, mais ça reste agréable. Non, ouais, moi, elle est... Oh, c'est bon. Pour une triple, elle est pas... En bouche, elle est douce. Après, parce qu'elle va cogner sur la tête, hein, mais... surtout qu'il fait chaud, mais... La mienne aussi, mais j'ai un petit peu trop fait mousser, en fait. Ouais, faut attendre un peu, ouais, après sinon ça. Mais elle est bonne aussi. J'avais jamais goûté l'ambrée parce que j'ai déjà acheté la blonde, l'avoinée et c'est tout. Parce que les autres, je les ai pas bu. Il y a blanche au blé et l'ambrée. L'ambrée, c'est bon, c'est parfumé d'habitude. Du coup, on va passer au dossier, à part si vous avez d'autres choses à dire sur vos bières. Non, c'est bon. On reviendra peut-être un peu plus tard. Ouais. Alors du coup, il va pas y avoir de jingle pour moi parce que j'en ai pas encore fait. J'avais pas d'idée. Donc. C'est en mes serviables, c'est en mes turbés. Il fait pour les autres et pas pour lui. Voilà, donc Donc après, moi, je vais vous parler du coup des BD que j'allais les chercher. Hop là. Et c'est sonore en plus. Ah bah oui, parce que hein, j'ai prévu le coup comme ça, vous pourrez les voir. Donc c'est Media Entity, donc de Emily plus loin et Simon en fait. C'est deux personnes. Et pas Emily Simon. Et pas Emily Simon la chanteuse. C'est pour ça que. Ah, ça existe. Tu connais pas Emily Simon? Les premières. Non, les fleurs de saison. Emily Simon, je suis plus. Ça peut être, je sais pas. Je vois pas. Aux couleurs. Enfin, je sais plus. J'en mettrai enfin comme ça sera la pause musicale. Ah je sais pas. Non. Non, on l'a déjà faite celle-là. On peut pas faire deux fois la même. Donc du coup, donc, c'est une BD parue chez Delcourt. Donc là c'est il y a 3 tomes qui sont sortis. Il doit y en avoir 4 ou 5 de prévu. En tout cas, oui, dès le premier tome à 4e de couverture, ils annonçaient la couleur. Ouais, 4 tomes. Déjà le 3 juin 2014. Oh putain. Oui, et le 4 octobre 2014. Peut-être ils ont fait les deux en même temps, ils vont sortir proche. Le 4 n'est toujours pas sorti. Mais peut-être il va sortir proche, il va sortir à la rentrée. On sait pas. Bah non, enfin ah, c'est pas marqué sur le 3, il est pas vieux. Ouais, c'était début d'année, je pense. Juin ou mai ou oui, juin 2015. De toute façon, ça va être marqué. Bon, enfin, je vais vous dire ça après. Donc, c'est chez Delcourt. Et en fait, l'histoire, c'est. Donc, c'est un univers contemporain. Ou un petit peu futuriste. Dans le cas, en fait, les personnes ont des identités Internet. Enfin, Internet virtuel. Numérique ou digital. Non, numérique. Digital, ça veut dire avec les doigts. Ouais. Qui se, en fait, ils peuvent se connecter pour travailler avec leur compte et ils ont en fait une identité physique qui est la personne elle-même et une identité virtuelle qui sert à se connecter sur pour avoir ses messages sur le téléphone, etc., etc. Et sur certaines personnes, en fait, l'identité virtuelle prend le pas sur l'identité physique. D'accord. Donc il va y arriver des trucs un petit peu bizarres. Donc là, dans le premier tome, on découvre qu'en fait, l'identité du personnage qui s'appelle Eric je sais plus quoi, qui est trader. Eric Z. Je sais plus. Eric Magoni. Donc c'est marqué là. faut le voir. C'est pas très visuel à l'audio. Faut le voir, non. Bon, en fait, c'est dans les premières pages de la BD. Ou des cases, parce qu'en fait, bah, je l'expliquerai ça plus tard, j'ai expliqué déjà le synopsis, où en fait, c'est un trader, et un petit peu, ça reprend un petit peu l'affaire Kerviel, où bah, en fait, son identité à lui dans la BD, donc à Eric, a crashé la banque, et a fait des pertes, je sais plus combien, de milliers de dollars. Voilà, donc du coup, il essaie de s'échapper vite fait de là où il travaille. Viteuf. Parce que c'est pas lui. À ce moment-là, il a juste en fait laissé son compte connecté. Piratage. Piratage, non, en fait, c'est. Victime d'une enculerie comme sur Facebook, on laisse allumer le profil. Voilà, sauf que là, c'est son identité. En fait, c'est son identité Media Entity qui a pris le pas sur sa vie. Ouh. En fait, il a laissé son compte allumé et c'est son compte qui a fait une action alors que lui, il n'était pas présent pour vérifier ses actions. D'accord. Donc ça, ouais, bon, j'explique mal, mais en fait, ça, ils sont comme s'ils étaient super connectés, bah, hyper connectés, et que leur personnalité virtuelle prenait le pas, faisait une action. Et, sans avoir l'autorisation. Sans l'autorisation, et voilà, on ne sait pas, bah, déjà sur les 3 tomes, on ne sait pas si c'est une personne qui a hacké le compte, qui a fait l'action pour lui. Parce que le compte était, on va dire, connecté, donc du coup, normalement, la personne physique est présente sur son poste. Sauf que là, tu es voir le responsable. Donc, Eric était avec son responsable, qui est une femme, qui couchait avec. Donc, voilà, pour la petite histoire. Coucherie. Ouais, histoire de coucherie. Donc, après, c'est. C'est détaillé après dans l'intrigue. Il va y avoir une embrouille à ce niveau-là parce que la femme veut pas dire bah oui, j'étais avec lui à ce moment-là, donc ça pourrait mettre à porte-à-faux. J'étais avec lui ou il était dans moi. non, bah là, c'est pour elle, c'était ni l'un ni l'autre. Ils se sont pas vus. Ils se sont pas vus. Ouais. C'est bête. Pas vu, pas pris. Ouais, pas vu, pas pris. Et pas vous, pas pris. Donc voilà, donc en fait, Media Entity, ça va. On va suivre ce personnage sur les 3 tomes, mais à chaque fois, sur les autres tomes, en fait, on va découvrir une autre personne. et un autre cas de possession ou de modification de la personne de média, en fait, de l'entité virtuelle. Et voilà, donc on va essayer de découvrir. Donc là, dans le troisième tome, c'est vous allez deviner tout de suite de qui il s'agit. Non, c'est qui a dit pas mieux, pas mieux. C'est quasiment ça. Attends, à noter qu'il y a un reportage sur la J-pop dans le journal de M6, c'est ma soeur qui me l'a dit. Elle a vu du qui a dit pas mieux, et la fille pète un câble. Et donc, voilà, moi, je vais juste vous montrer une page où on voit des personnes bien, bien célèbres de chez nous. Ah ouais, Michael Jackson et Lady Gaga. Lady Gaga, et là, c'est Britney Spears. Oui. Ah ouais, d'accord. Qui ont, bah, dans notre vie réelle, fait des actions un petit peu extravagantes. Genre Britney Spears qui se rase la tête. Ouais, c'est vrai. D'un seul coup, Michael Jackson qui devient blanc, et après, il y a... bah, c'est même pas Lady Gaga, là, c'est marqué Stéphanie Germatona. Bon, je pense que ça va être la... Bonne Stéphanie. Ouais. Enfin, voilà, qui passe aux extravagances, et en fait, bah, on sait pas pourquoi, et... Donc voilà, donc c'est les entités virtuelles qui prennent le contrôle de la vie, qui font une action, et du coup... Bah, les entités virtuelles qui ont une conscience, au final. Mmh. Bah ouais, par exemple, là, sur... bah, je vais dévoiler un petit peu l'histoire de... Je crois que c'est Ryoka... Attention, alerte spoiler. Ouais, parce que là, c'est le... Il faudrait que je fasse le sub jingle aussi. Alors, si vous voulez pas être spoilé, allez directement à... Non, ça, je le fais en post-prod. Ça sera plus simple. Donc du coup là on voit dans le tome 2 on découvre que donc Ryoko Okada, donc la chanteuse qui parodie Pamu Pamu, donc en fait elle a été un anniversaire d'une enfant, donc comme ce qui se fait aux États-Unis ou au Japon, les célébrités viennent anniversaire, sauf que là apparemment ça aurait dérapé. La star du coup j'ai perdu son nom, Ryoko machin truc. Oui, Ryoko a été prise en photo en train de sniffer de la coke avec l'enfant qui avait 12 ans. Alors on va plus violer plutôt. Bon esprit, belle mentalité. Ouais, c'est comme ça qu'on éduque les jeunes. Ouais. Donc du coup. Alors on va plus violer. Bah non, parce que c'est pas bien. Moi aussi. Prendre de la coke, c'est mieux. Ah. Donc voilà, donc. Les photos sont publiées sur internet, elles sont envoyées à une journaliste, donc ça on apprend vers la fin, au milieu du tome 2. La journaliste décide de faire un article, parce qu'il n'y a aucune autre source que ces photos et c'est tout. Donc elle décide de faire un article, et là enchaînement médiatique, pression, patati patata. Et je vais vous spoiler bien comme il faut la fin. Ryoko va voir la jeune fille, donc elle retourne dans la maison, elle fait l'anniversaire pour voir la jeune fille, pour dire bah non, on n'a pas fait ça, parce que elle n'a pas fait ça, il y a eu des photos, donc là c'est encore l'entité virtuelle qui a agi, ou son identité ou identité qui a agi pour elle, a publié les photos et a trafiqué des photos qui n'ont jamais été faites, et je vais pas plus vous en dire, parce que en fait ça va vraiment spoiler, et ça montre en fait le caractère un petit peu sournois des personnes qui sont médiatiques dans ce genre de situation. Donc que dire d'autre, en fait c'est une BD transmédia. Oui. Parce que avant que ça soit disponible en format physique, papier, avec vraiment des albums et tout, c'était une version turbo média sur internet. D'accord. Donc. Oui, turbo. D'accord. Alors, faut que je fasse un jingle, les bruits de Bilou. Alors, les bruits de Gandalf. Vos communions, bar mitzvah, mariage. Veuillez contacter ce gentil monsieur. Veuillez contacter Gandalf81 pour tous les bruitages. @Gandalf81 sur Twitter. Oui. Et si vous ne savez pas, allez demander au podcast, ils vont avoir ses corps. Ah, oh. Et donc du coup, ouais, donc c'était Turbo Media. Donc est-ce que tu vois ce que c'est le Turbo Media à peu pas près? Du tout. Bon, en fait, c'est c'est une BD sur Internet où quand tu cliques, en fait pour la lecture, c'est tu cliques et t'as les diapos en fait. Ouais, d'accord. Plutôt comme des diapos qui s'enchaînent. Mais en fait, c'est des bulles à chaque fois. Enfin, c'est des cases. Ouais, c'est des cases et en fait, c'est oui, en fait, c'est toi qui gères le bah en fait, c'est toi. C'est tu as deux façons de gérer le rythme de l'histoire. Au lieu de lire comme au papier, bah tu lis on va dire rectilignement case par case et ouais. t'enchaînes à chaque fois. Mais en fait, tu as un contexte et qui peut s'enrichir, donc qui peut bouger. Donc par exemple, tu peux avoir une ruelle. Première image, tu cliques, tu as un lampadaire qui s'allume. Tu cliques, tu as une personne, tu vois une silhouette, etc. Ah oui, c'est, et tu peu, vois... c'est un peu plus interactif. Quoi. Ouais. Plus, c'est... Oui, c'est le côté, en fait, quand je dis diapo, c'est toi qui maîtrises en fait, les images. Tu introduis une sorte d'animation dans voilà. la vidéo. Bah, après, je te ferai voir des exemples quand j'aurai fini le dossier. Mais par exemple, bah, tu vas le voir, je ne sais plus, sur, le... sur cette BD, où tu vas voir, par exemple, ici, juste peut-être ce morceau-là. D'accord. Oui, donc une scène de, d'entrée de, d'immeuble, je crois que c'est le commissariat avec les journalistes, parce que là, Eric s'est fait capturer par la police, donc il se fait interroger, et t'as tous les journalistes qui campent devant. Donc tu vas voir juste la partie où tu vois les campeurs. Okay. Ensuite, tu vas voir peut-être la vue de la rue qui est à côté, donc la partie à droite de l'image. Puis ensuite, la voiture qui arrive. La voiture qui arrive. Avec peut-être la voiture en premier coup ici avec ta première bulle, et ensuite la voiture bah, là où, comme sur le dessin, avec juste la deuxième. Okay, ouais. D'accord. Donc c'est vraiment un mélange entre l'image fixe et l'image d'animation. Et du coup, bah, tu peux faire plein de choses. Et il me semble que c'est, si je dis pas de code. C'est Balak. Donc voilà. Donc, j'allais dire que c'était Balak, mais oui, donc c'est bien Balak qui a inventé, créé, codé ce. Ce type de médias. Bah, vous pouvez regarder l'émission Big Bug. Big Bang. Big Bang Hunter, voilà. Ouais. Qui est consacré à Balak et plus spécifiquement au Turbo Média. Et ouais. Donc, Balak. Balak, c'est un. Alors, Balak, Last c'est. Man. Last Man, voilà, déjà. Non. Bah, c'est un auteur de BD français. Et alors. Qui participe très, très, très activement au. Festiblog. Non, c'est un truc d'animation. On a eu un gros bout dans le jingle. Ah, au Cassos. Oui. Ah, c'est lui, c'est lui qui a demandé les Cassos. Oui, c'est lui qui a fait les Cassos avec trois autres personnes. C'est ça. Donc, ouais. Mais, lisez Last Man. Voilà, il a fait Last Man. Et si tu te rappelles, pour revenir sur l'émission que tu as dit. Ouais. Qui était donc Big Bang Hunter, ouais. Donc c'est une émission de No Life, donc vous allez sur No Life, sur Noco, et vous tapez Big Bang Hunter et Balak, et vous trouvez tout. Donc hop, ça c'est fait. Mmh. Ensuite, sur No Life, il y a beaucoup de temps, un petit programme où tu avais justement la présentation de Last Man avec une actrice porno japonaise. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Un gros boob. Et donc, nous, bah, on voyait les trois, donc t'as Balak, Bastien Vives. Et le second, je crois, on le vit toujours. Et alors, on peut trouver ça. Lisez Last Man, encore. Lisez Last Man, ouais, c'est pas trop mal. Ils ont sorti le dernier tome, il n'y a pas trop longtemps. C'est tout, Last Man, en deux mots. Non, en un seul. Last Man. Non, mais pour expliquer, en deux mots, qu'est-ce que c'est, Last Man Je sais pas, j'ai pas lu. Je sais que c'est du. C'est la fusion entre comics, manga. Ouais, voilà, c'est en fait une BD française, mais gérée de façon manga. Studio, ouais. En studio, avec des délais et des pavés de 300 pages, des conneries. Ouais, 250, un truc comme ça. Ouais. Donc, pour Last Man, au scénario, Bastien Vives, Balak, au dessin, Bastien Vives et. Michael Salanville, sans la ville, et classé genre action-aventure. C'est édité chez Casterman. Casterman, ouais. L'homme Castor. Donc, du coup, pour en revenir à Media Entity, donc c'est bien un univers cross-média. Donc, déjà, il y avait la première parution en tant que Turbo Media. Ensuite, il y a eu des ARG. Donc c'est des jeux grandeur nature. Ah, d'accord. Donc des jeux de piste comme il y a eu je vais pas retrouver le nom, mais c'est pas grave, dans la ils en ont parlé une fois dans la période du Capitaine. Mais ça fait un bon montant. Donc en fait, j'écoutais pas encore. Ouais, les ARG en fait, c'est des jeux de piste enquête dans une ville grandeur nature en fait. D'accord. où c'est à toi de te déplacer, où tu as des actions à faire à certains points donnés, des captures, prendre une photo d'un point ou voilà. C'est pas mal ça. Ouais, et je sais qu'ils en ont fait donc pour la sortie du tome 1 à Angoulême. Oh. Ouais. Comme par hasard. Bah ouais, c'est peut-être à Saint-Malo aussi, mais là je. Comme par hasard deux. Bah c'est un petit peu les deux gros, plus gros festivals français. Français, bah même audio parce que franco-belge. Ah déjà ouais, tu prends de BD. Angoulême, oui de BD. Tu prends Angoulême, c'est vraiment déjà le gros bah, européen. Ou même un manga. C'est le plus connu. Pas sûr que. Et ensuite il y a un jeu de rôle aussi. Basé sur. Basé toujours sur l'univers avec. Parce qu'en fait. Ça m'intéresse. Ouais, dans la BD, donc là je vous ai expliqué, j'ai essayé de vous faire comprendre un petit peu l'intrigue avec les personnages virtuels qui ont une identité. J'ai du mal à parler après deux gorgées de bière. Hop, t'en es mal. Ouais. Alors, c'est combien, frérot ? 50 ils sont pas tout au frigo en plus. Ça fera ça peur. Donc il y a une partie qui vont être des gens connectés. Et il y a une partie des gens qui ont décidé d'avoir aucun lien. Démoldus, voilà. Mais démoldus de médias connectés, en fait. Où ils ont vraiment aucun, ils n'ont pas de téléphone. Des Richard Stallman, mais pas pareil. Voilà. Mais c'est vraiment là, après, ça va être vraiment les types qui vont dire bah non, en fait, on veut plus aucun lien avec l'informatique. Vraiment, pour que ça soit. Ils veulent vivre leur vie et en fait, c'est. Là, dans l'histoire, le groupe qu'on va suivre, qui recueille Eric, c'est ils sont associés avec des gens du voyage pour pouvoir justement se balader de ville en ville. Des romano, des gens du voyage. Et ils sont pas forcément romains. Nadine Romano. Nadine Romano, si tu nous écoutes, salut à toi. Et donc, du coup, bah, après, il lui arrive plein de choses à Eric. Et voilà, donc c'est intéressant. Après, je vous ai pas fait feuilleter les BD. Moi, c'est bon. Je sais déjà. Ouais, parce que du coup, on a vu Émilie Simon l'année dernière. Oui, festival de Gaillac. De Gaillac, ouais. Acheter du Veg, acheter du Gaillac. Voilà. Où justement, ils étaient en dédicace les deux jours du festival. Mm. Et du coup, bah, j'en ai profité pour toujours faire mes demandes. Incongrues. De dédicace à un homme sortant des flammes, tel un survivant. Mais pas la version Godillo. Teasing. Oui, c'est vrai que la version Godillo était pas mal. Hein. Ah, tu vois. Donc voilà, donc du coup, je me suis fait dédicacer les deux premiers tomes, parce que à ce moment-là, avec les deux premiers qui étaient sortis. Le troisième se faisait à Tarnor. Le troisième, alors à couverture, ça dit automne 2014, mais je crois que ça allait sortir début d'année ou là, en 2015. Ah non, il est sorti en juin, Moi, je l'ai vu. Dépôt légal juin 2015. Donc voilà, c'est sorti. Même plus tard que finalement. Ouais. Donc, voilà, donc, après, le temps passe vite. Vu qu'ils sont obligés de faire deux versions, je sais plus si on l'a expliqué dans le quoi qui se passe sur le à Gaillac, ils sont obligés en fait de faire un premier découpage pour la version Turbo Media. Ah oui, qui prennent du temps et ensuite redécouper pour faire la version BD. Parce que du coup, ça reprend les images, mais ils sont obligés de les enrichir, de refaire le découpage et tout. Là par exemple toi on va voir la scène de baston et tu peux avoir en fait le gros plan puis après la vignette qui se met au milieu et t'enchaînes en fait et plus tu cliques vite plus t'as les cases qui vont s'enchaîner vite et du coup t'as l'impression vraiment de vitesse et que le tabassage en règle est vraiment réaliste. En règle La police elle est un Peugeot on dirait quand même. Un pichot La Peugeot la voiture des blaireaux. Pardon. Et après, ce que j'ai pas dit non plus par rapport aux versions papier, donc les versions BD, c'est qu'il y a de la réalité augmentée. C'était la première BD, en tout cas éditée chez Delcourt, à ce système-là. Oui, bien avant de. Ouais, et c'est en fait, ils ont sorti deux BD à ce moment-là. Ils ont sorti donc Media Entity avec ce système-là. La petite mort. Et la petite mort. Qui utilisent le même système, parce que c'est chez Delcourt, et tu peux, avec l'application, donc du coup c'est AR, je sais plus quoi, mais non. AR Media Entity, ouais, donc après, t'as juste à flasher le code qui est disponible donc, dans les premières pages de. Et tu vas sur le App Store. Ouais, sur l'App Store ou sur le Google Play. C'est ça. Et pas l'Android Market. En fait, dès que t'as ce logo-là, le Media Entity. Ouais, Media Entity sur une page. D'accord. Tu peux la scanner et tu vas avoir en fait des éléments enrichis. Par exemple, là sur la page. Survivant. Ouais. Là, par exemple, toi, sur la page, là, tu vas voir des infos. Ouais, les trucs se charger, ou quand, si tu cliques dessus, en fait, ça va t'amener soit sur une vidéo, soit sur un contenu vraiment enrichi par rapport à la vidéo. Par exemple, là. C'est intéressant, du coup. Ouais, sur. Là, j'ai le tome 3. Donc, on a le portable de. Qui a dit pas mieux, pas mieux. Ouais. C'est aussi du cross-média. Bah, du coup, là, c'est complètement du cross-média, parce que t'as la version. T'as le. Pas assez réfléchi. Bah, cross-média, non, c'est plutôt la version augmentée. Plus dans ce sens-là. Donc là, tu as le téléphone de Ryoko avec un nouveau message de maman. Donc à mon avis, si on flash cette page-là, on va pouvoir voir le message s'afficher. Peut-être si c'est un message vocal, bah, du coup, la personne qui parle. Donc voilà. Après, il faut avoir... Bon, maintenant, on devrait tous être équipés de téléphones assez récents. Sur moi, je sais que quand le premier tome est sorti, j'avais un vieux entrée de gamme. Et ça avait beaucoup de mal à afficher, à se connecter sur Internet. Donc, il faut prendre des trucs assez récents, même des entrées de gamme d'il y a peut-être un an. Ça devrait le faire, je pense. Ouais. Oui, ça suffit. Oui, oui. Maintenant, il y a beaucoup de... Enfin, du moment que tu as un smartphone, de toute façon, tu as des applis QR code. Oui. Oui, mais là c'est vraiment pour accéder à la donnée, parce que sur mon ancien c'était un truc vraiment d'entraîneur. Comme le tien, mais un peu plus évolué. Donc, tremblant. Mais quand même un truc vraiment d'entrée de gamme. Donc, toi, c'est. L'application elle demande quand même un peu de ressources pour pouvoir gérer, prendre la photo, détecter, faire le traitement d'image et récupérer les informations liées via son réseau. Comment c'est géré? Pas en Edge. Non. Donc là pour l'instant ouais, c'est prévu sur 4 tomes. Je pense qu'ils vont en avoir à mon avis plus. C'est prometteur, c'est vrai. Que... Parce que comment se termine le 3 en fait, c'est en fait on est au troisième tome, mais t'apprends petit à petit. C'est pas abrupt. Ah, peut-être que le quatrième tome va tout recouper. Quelque chose. Oui, ou ça va être la fin du premier cycle. Je pense que ça va plutôt se gérer comme ça, parce que dans le troisième tome, Eric sort enfin, va faire entre guillemets, débute une formation pour vraiment apprendre à gérer sa nouvelle vie sans son identité virtuelle. D'accord, il fait une sorte de détox. Voilà. Alors je regarde mes notes pour voir si j'avais pas d'autres trucs à dire. C'est la tempête. Ouais. Non, à part que c'est des BD classiques de 56 pages. Mmh. Format peut-être un peu plus grand que le format habituel de BD. Je suis pas sûr. Ouais c'est grand format de BD. 13 euros et quelques. Ouais, le cours. Après, c'est les prix, prix classiques, ouais. Non, c'est pas les. 13 euros et des bananes. Ouais. Et des brouettes, comme on dit chez nous. Donc voilà pour mon petit dossier. Et bien, c'est très bien. Tu nous as vendu de la BD. Ah, oui. J'espère bien. Parce que en tout cas, moi j'ai. Après, c'est vrai, j'ai pas trop parlé du style. C'est très. Un style graphique, j'ai l'impression que c'est très. Dépouillé. Moi j'ai l'impression que c'est très rapide. Oui, voilà. C'est très vite fait en fait. Ouais. Oui, ouais, c'est. Pas grossier, mais c'est un trait vachement. C'est très instinctif, quoi. Mais autant, il y a des images où d'un c'est un peu plus travaillé. Ouais, ouais. Mais après, c'est un peu plus détaillé. Après, c'est peut-être le côté cross-média aussi. Le côté cross-média, turbo-média, où il faut que. De toute façon, t'enchaînes et puis tu cliques. Au pire, c'est tu refais juste. Toi, t'as déjà tes éléments placés, tu refais tes. Mais après, c'est pas dernièrement sur la version BD non, classique. Non, ça donne un côté très, très immédiat, quoi. Ouais. Puis après. L'action est quand même très, très prenante, donc le côté graphique, je trouve que ça donne un truc en plus, mais c'est pas gênant que. C'est pas trop réaliste, mais c'est. On rentre quand même bien dedans. Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal. C'est vous. Vos amis? Les amis de vos amis? et plus d'un milliard de leurs amis qui vivent leur vie à travers Internet, à mettre à jour leur profil, à mettre à jour leur profil, à le remplir d'infos, à le remplir d'infos, à rendre leur média-entité toujours plus vulnérable aux mutations. And guess what? Consequences will never be the same. Une mutation médiatique est une distorsion de votre identité en ligne. C'est une vidéo qui apparaît sur YouTube. Ou votre profil qui génère de nouvelles images de vous. Pourtant, rien de tout ça n'est vrai. Et voilà. Vous êtes dans la merde. Dommage. Votre média-entité a pris vie et agit maintenant toute seule sur les écrans. Votre réputation est incontrôlable. Quel dommage. Et que vous soyez une célébrité. Ou un parfait inconnu. Vous ne pourrez pas y échapper. Car cette histoire, c'est la vôtre. Donc voilà. Donc, Media Entity, 3 tomes disponibles. C'est Émilie au dessin et oui. Simon au scénario. C'est chez Delcourt. Mangez-en, c'est bon. Mangez-en. Voilà. Faites vivre les petits auteurs français. Ils méritent. Oui. Oui. Sort de c'est de la bonne. Donc voilà pour moi. On applaudit toujours. Oui. Pas beaucoup de podcasts où ça applaudit. Non. Tu vois, coup, on a du respect. Un jingle applaudissement américain. Ouais. Bah pour là donc pour la petite anecdote, on enregistre pendant le 27 sur 24 de Pod Radio. Oui. Et en fait, ils ont un jingle applaudissement. Oh. Ils ont plus de budget que nous. Il faudrait choper l'applaudissement de Friends ou de sitcom américaine, tu sais. Ils font tout le temps le même. Tu fais un Big Bang Theory. Oui, de toute façon, après, ça va se trouver sur les. T'as tous les gens qui rigolent en même temps. Alors que c'était pas forcément drôle. Toujours. Le truc de Friends, ça ira très bien, je pense. Quand quelqu'un rentre, il ouvre la porte. Ouais. C'est genre Magnum. Hé, hey, mais c'est lui qui rentre. Bravo. Mais que se passe-t-il ici? Ah ouais. C'est le vaudeville. Mais que fais-tu? Oh, mais que fais-tu dans le lit à cette heure-là, Yo? Oh là là. Et donc, pourquoi le placard n'est-il pas fermé? Parce qu'il y a un mort dedans. Non. Pourquoi il y a une cravate qui dépasse? Oh, il est dur. Du coup, on va passer au quiz de notre ami Asto. Attention, t'as quelque chose à préparer ou... Non. J'ai tout qu'est... Cette fois, quand même... Et j'ai prévu. Hein. Ami poditeur, le budget. Attention, et là, on va lancer le petit jingle spécial. Merci, Inspecteur Gadget. Merci, Obama. Merci, Inspecteur Gadget. Putain, merci, Inspecteur Gadget. Et merci, Inspecteur Gadget. Boum, la Duchesse d'Aquitaine. Voilà. Boum, la Duchesse d'Aquitaine. C'est un peu Cosa Nostra, c'est un peu mafieux ce. Un peu en travers, histoire de ne pas avoir le PC jungle devant le micro. Mais non, voilà. Monsieur, c'est mafieux, monsieur. Non. C'est de la mafia. Non, c'est... Lâchez vos coms. Tout pris du même. Hein. Oui. J'ai pris celui-là et j'ai fait, bon, dès que je le... C'est quel épisode? Je le reprends. Le 8. Ok, j'aurais... Une autre journée. De toute façon, c'est simple. Tu tapes Merci Inspecteur Gadget sur Google. Premier résultat. C'est balèze quand même. Dans ce moment, il n'y a pas 10 000 personnes qui utilisent Merci. Non, mais Inspecteur Gadget... Ah oui. Il y a du content, hein. Ouais, mais le merci contenu devant. Oui, c'est le merci qui fait tout, quoi. Allez. La sérentipité Google. Merci. Donc, je vous ai préparé un petit quiz. Enfin, préparé rien du tout. J'ai rien préparé du tout. En fait, j'ai totalement pompé le quiz. Ah, ami poditeur, le mal sacré là. Voilà. C'est un... Je vais me prendre un peu pour Patrick Beau. Oh, le pot pourri de gros bâtard. Ah non, ça non, c'est. C'est François Torres, ça. Le Fossoyeur, pardon. Voilà, donc Patrick Beau de Axelot, Axelot Blog, tout ça, tout ça. En ce moment, on n'a pas parlé des podcasts qu'on écoutait, mais en ce moment, j'écoute beaucoup. C'est pas, pas vraiment du podcast. Attention à ce que tu vas dire. Exo 7. Donc c'est du replay, enfin c'est du de l'émission radio en fait. Ah, donc c'est un replay. Voilà, du replay d'émission de radio. Avant qu'il fasse donc son, avant qu'il fasse Axelot, qui faisait ouais. Exo 7, qui était donc une émission consacrée à l'étrange, aux bizarreries, sur la radio Rage. Donc c'est une radio du sud-est de quelque part. De para, quoi. Ouais, le Var, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, tout ça. Bouh. Et donc, lors d'une de ses émissions, il a fait un petit quiz sur les idées reçues. Et donc, j'ai totalement repris le quiz. Merde, putain, j'aurais dû écouter. Ah ah, mais je vous ai pas dit, c'est pour ça. Mais j'ai trouvé ça sympa. Du coup, je me suis dit, tiens, allez, on va, je me suis réécouté le truc deux fois pour pouvoir tout noter au fur et à mesure. Ah bah oui. Et oui, quand même, j'ai travaillé un petit peu. Ah, la retranscription, c'est chaud. Hop, et donc... c'est parti pour un petit quiz sur les idées reçues. Parce que moi, je connais pas une petite musique d'ambiance bizarre, tout ça. Attends, que je trouve mes palettes. Non. J'ai pas. À la bouche ? Eh bien, c'est pas grave. Hein. Je rajouterai ça au montage. Hein. Post-prod, tout ça, tout ça. Donc, première question. Question très, très, très, très simple. Quel est le plus gros être vivant sur Terre ? Ma tub. Baleine. Ma tub. Alors, on a soit la tub de Gandalf, soit la baleine. Enfin, le... Je pense qu'une baleine est plus grosse que ta tub, quand même. Je veux pas... Oh ! J'ai pas vu ta tub, mais... Déjà, la tub d'une baleine est plus grosse que toi. C'est faux ! Tous les animaux le diront. Merci, gentil monsieur. Elle est où, la poulette ? Elle est où, la poulette ? Donc, la baleine ? Bah, ouais. Sans réfléchir en première réponse donnée comme ça. C'est ce qui est absolument logique. Bah, ouais. On est tous d'accord là-dessus. La baleine bleue à bosse mais, ou oui, la c'est baleine... logique, mais est-ce que c'est la bonne réponse ? Eh ben non. C'est le requin. Non. C'est le la baleine, c'est le plus gros animal, mais pas le plus gros être vivant. Ah. Ta mère. Ah, ah. Non, c'est pas ma mère. Non plus. Le plus gros être... C'est Galactus. C'est un champignon. Ah ouais. Eh oui. L'armillaire. Un champignon totalement commun. Qui pousse comme ça sur les troncs d'arbres, les souches d'arbres. Ah, il bouffe la moitié de la forêt. Un armillaire qui fait 890 hectares. Putain. Ah, c'est un gros champignon. Ah oui, c'est qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup répandu. Ça fait une sacrée poulet. Hein. Il se situe dans la Malheur National Forest de l'Oregon. À l'Oregon. Ça fait une poêlée, mon pauvre, mais... On estime son âge entre 2000 et 8000 ans. C'est une fourchette, hein. C'est une fourche. On sait à quoi ça... C'est rapide, en fait. C'est visuel ou... Alors, non. J'ai pas trouvé de photo, mais essaye de chercher Armillaire Malheur National Forest. Mais je pense que c'est surtout sous terre, en fait, qu'il a dû se rendre pas mal, en fait. Ouais, voilà. Il y a plus d'or que... Plus d'or que... Il y a peut-être beaucoup de... Bah, je sais pas si on parle de racines pour des champignons, mais... Ouais, il y a pas mal de... Ouais. Il y a pas mal de... Oregon, tu m'as dit. Hein. Dans ouais, l'Oregon. O-R-E, je l'ai, ouais. J'ai trouvé la Malheur National Forest dans l'Oregon, mais j'ai pas trouvé de photo de cet armillaire. Du champignac. Voilà, donc armillaire, A-R-M-I-2-L-A-I-R-E. Oui, il a fait la correction. Ouais. D'accord. Bah, je pense. Sacré champignon, dis donc. Bon, voilà, trouver une photo d'un truc qui fait 890 hectares. Oui, c'est puis après. Facile, hein. Ouais, non, mais ça peut être juste un morceau, quoi. Oui. Comme le côté d'un bâtiment ou d'un véhicule. Ah, bah là, à part le satellite, même en montant sur une échelle, t'auras le matin le prendre en entier. Ils vont. Donc, je vous laisse une deuxième chance. Ah, vous êtes bien urbain. Deuxième question : quel est l'animal le plus long du monde ? Un ver. Le... Comment ça s'appelle, là, quand t'as dans le... Pourtant, la baleine, c'est long aussi, non ? Ouais, mais quand tu vois que des vers solitaires peuvent faire ah oui, deux ou trois fois la taille d'un humain, bah de son hôte... Ah, une baleine, ça fait 30 mètres, hein. Et mais ouais, mais les intestins d'une baleine. Imagine un vers solitaire dans l'intestin d'une baleine. Ça fait long, quand même, hein ! Et chie les petits trucs aussi, est-ce qu'on a vérifié ça ? Ah, les conneries, genre vers solitaire, tout ça, enfin... Oh, ça fait après... une place de dingue, hein. L'animal le plus long ? Le plus long, je parle juste de la longueur. Hein, non, j'ai un poulpe. Ou... Un gros poulpe. Avec les tentacules. Avec les tentacules, bah ah, si. Ouais. Moi, j'ai tiré Jonah Falcon. Alors, si tu dis ah ouais, ça veut dire que c'est pas un poulpe. Et la bite de Jonah Falcon. c'est pas un animal, si. Non, en tout cas, c'est une sacrée bête. C'est une grosse anguille. Hein. Ah, il y a anguille sous gros caillou. Ah, lui, il te coupe une table avec, hein. Eh bien, l'animal le plus long du monde, c'est en effet un ver. Qui s'appelle le némerte géant. Enfin, il y a plusieurs espèces de némerte géant, il y en a même beaucoup, beaucoup. Et en particulier, le Linnaeus longissimus. Déjà, ça s'appelle longissimus, déjà, ça s'appelle longissimus. C'est un ver aquatique. Ouais. Donc, peut-être un ver solitaire de baleine, je sais pas. Il fait 60 mètres. Ah, quand même! Le plus long. Belle bête. Il doit pas souvent voir le bout. Voilà, donc 60 mètres, ça fait plus qu'une piscine olympique. C'est l'ombre nous fait la gueule. C'est très, très, très long. Alors, la troisième question de ce quiz idée reçue. Qu'est-ce qui a une mémoire de 3 secondes? Poisson rouge? Non, il y a un oiseau. Je sais plus. Ah, c'est pas mal. C'est peut-être pas 3 secondes. Parce que je sais, il y a longtemps, j'ai vu un petit oiseau où des chasseurs, ils construisaient une cabane. Ils étaient deux à construire. Ils étaient deux à rentrer. Mais ils étaient qu'un à sortir. Et l'oiseau qui voyait ça ne se rappelait plus qu'ils étaient deux. Donc, il est con. C'est l'oiseau un peu con. Ouais, donc je sais pas si c'est le poisson rouge. Si ça, c'est un, on dit qu'il y a une mémoire de poisson rouge. Ou si c'est un oiseau comme ça. Ah, le poisson rouge, tu viens le voir, il sait que tu vas lui amener à becter quand même. Hein. Il est malin quand même. Ouais, il est pas si con. Il est pas si con. Bon, en tout cas, ce sera pas un écureuil parce que l'écureuil il a beau paumer la moitié de ceux qui planquent, il en retrouve quand même. Donc, ça sera pas lui. Alors, après, par contre, 3 secondes. C'est très précoce, ouais, hein. Mais je sais pas. Plus précoce que moi. Ah bah pourtant, oui, Dieu sait que. Des fois, la foudre est tombée vite, hein. Donc, quelle est votre réponse? Et je dirais l'oiseau. Moi j'ai envie de dire une fourmi. Une fourmi. Eh bien c'était une question piège, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas 3 secondes. Et voilà, je voulais juste que vous répondiez le poisson, parce que le poisson n'a pas une mémoire de 3 secondes. Elle est de 2. Alors j'ai pas noté tout exactement, mais il y a, je crois que c'est aux États-Unis, des chercheurs qui ont fait des recherches. Parce que là c'est normal. Ou des tests. Ouais, des tests. Sur la mémoire des poissons rouges, ouais. Et ils en ont déduit que le poisson rouge avait une mémoire d'au moins 3 mois. Ils ont réussi, alors je ne me suis pas noté non plus, le mec de l'expérience qui faisait baver des chiens en activant une cloche. Tous les jours il activait une cloche au moment où il donnait à manger aux chiens, et à force, au moment où il activait la cloche, les chiens bavaient. Donc là en fait, ils ont fait un peu la même chose avec les poissons rouges, ils leur donnaient à heure fixe de la bouffe et. Au bout de 3 mois, les poissons savaient encore à quelle heure ils allaient avoir à bouffer, si tu veux. Voilà. Donc, à l'aide de cette expérience, ils ont réussi à prouver ou à démontrer, en tout cas, que le poisson rouge avait au moins une mémoire de 3 mois et non pas de 3 secondes, comme tout le monde le pense. On nous aurait menti. On ne nous dit pas tout. On ne nous a pas tout dit. Quatrième question, si j'ai bien compté. Quel est l'animal le plus dangereux qui ait jamais existé? Donc, du coup, le stick mou compris. Dinosaure compris, exactement. Le stick mou. Le plus dangereux qui a jamais existé. Ouais, mais dangereux en termes de quoi? C'est un dangereux dans le terme de. Pas la musique de ma queue, pas dangerous. Ou dangerous. Est-ce que l'homme est compté comme un animal? Non. Ah, merde. Parce qu'avec tous les coups de fusil qu'il se met, putain, il est bon, hein. Un animal que si tu te retrouves devant, t'es un peu dans la merde. Ouais, tu fuis. Ah, le stick mou C'est plus ou moins dans la merde. C'est une belle merde, le moustique. Hein. Ouais, mais toi, je serais quand même parti sur un bon gros dinosaure... Un T-Rex. Non, un dinosaure qui pète. Un Velociraptor. Ouais. Ça peut courir vite et te rappeler que t'es venu en bas. Non, le moustique, attends, il est plus insinueux. Je sais pas, j'irai un dinosaure, je saurais pas lequel te dire, mais pas le T-Rex, à côté, le T-Rex, il y a un autre gros prédateur. Mais en fait, finalement, le T-Rex il était pas si rapide que ça quand il courait, il était plutôt lent en fait. Hein, donc, Oui, mais il y a un autre, je sais qu'il y a un autre, je crois que c'est ce qu'on voit dans l'âge de glace 2 ou 3. C'est le 3. Où t'as un gros, bien vénère, bien gros. Je crois que c'est soit ça, je dirais pour celui-là. Eh bien, il y a eu une bonne réponse, et c'est Gandalf. Et oui, le moustique est l'animal le plus dangereux ayant jamais existé, parce qu'il est un vecteur de maladie. Bah oui. Oui, exponentiel. Toi, c'est pour c'est, ça le dangereux. C'est énorme le nombre de maladies que peut te refiler un moustique. Quoi. Alors, on va jouer à Plague Inc. Voilà, exactement ça. Donc, effectivement, ce n'est pas le dinosaure, comme la réponse que j'attendais, mais le moustique. La bite de Jonah Falcon aussi. Voilà. Est-ce que vous connaissez les Lemmings? Ah oui! C'est ce jeu où il faut, faut leur donner des ordres. Comment les Lemmings meurent-ils? Bah, de faim ou de de malnutrition, parce qu'ils avancent toujours quoi qu'il arrive, donc s'ils sont dans une cuvette ou de fatigue ou je sais plus. Après j'ai jamais joué au jeu donc alors là grande question. De toute façon ils tombent que si tu leur fais un trou sous eux, donc déjà c'est déjà. Est-ce que vous savez que les Lemmings ça existe en vrai? Ah, c'est un animal. C'est un petit rongeur. C'est un rongeur, un lemming. Je cherche lemmings, mais ça va être genre une sorte de petite marmotte. Ah, je vois, hein. Une marmotino. Ouais, c'est un rongeur. Bah, dis-nous. Marmolito. Ah oui. Une petite marmotte. Mais dans le jeu, les lemmings, ils meurent comment? Je dirais de faim. Ou dans une crevasse sans fond. C'est ça, ils sautent. Oui. Ils se suicident quoi. Bah, de toute façon, ils vont. Toujours noir. Ils avancent toujours. S'ils ont un mur, ils font demi-tour, mais ils avancent toujours. Donc, c'est ça. Soit il y a une crevasse indéfinie où ils font une chute mortelle. Soit c'est. Ils sautent vite comme des cons. Ils avancent. Ils meurent et avancent en fait. Donc, c'est ça? Non. C'est pas la malnutrition non plus, parce que du coup ils avancent tout le temps, mais à un bon moment il faut qu'ils mangent. C'est une légende urbaine, les lemmings qui sautent dans le vide pour se suicider. En fait, c'est lors des migrations de masse. Ouais. Les lemmings ils s'agglutinent en fait sur les obstacles naturels, genre des falaises ou enfin, des petites falaises ou des trucs comme ça, et pour essayer de monter. Ouais. Et en fait il y a des bousculades et tout. Et c'est là qu'il y en a un qui se fait pousser dans le vide. Ah, comme la mec. Il y en a un, voilà. Il y en a un qui se fait pousser dans le vide. Ou comme dans 300. Et oui, c'est vrai. Voilà, comme dans 300, c'est Sparta. Non, mais dans la mec, c'était islamophobe, ça me plaisait. C'est pas fait exprès, et du coup, il y en a un qui tombe dans le vide. Et c'est comme ça que les Lemmings meurent en sautant dans le vide. Et non pas en sautant d'eux-mêmes, suicidant, c'est on les pose, comme dans le jeu. Voilà, c'est une légende urbaine. Je n'ai pas noté non plus ça, mais c'est a été renforcé par un Disney, je sais plus lequel, parce qu'à la fin, il y a une scène où il y a un Lemmings qui saute dans le vide ou un truc comme ça. Oh le con! Merci Disney! Ouais. Dessiner, c'est Disney! Alors, question suivante. Combien de sens possède-t-on? 5? 6. Bah ouais, 5. 6. Ils en ont rajouté un sixième, la mère, ou je sais pas quoi. Ils ont dit que c'était un sens, je sais pas quoi. En fait, c'était quoi? Ouais. Ah, l'instinct maternel? Non, non, la mère, ou je sais pas quoi. Ah, ça c'est des goûts! Ouais, c'est un goût! Ah non, non, mais si. Hein. Ils ont rajouté. C'est un goût, là, le sucré. Ouais, le salé, si, ils l'ont rajouté dans le temps de principaux, je sais plus. Bon, par rapport au truc où il a fait, parce que c'était de cette année, hein. Donc par rapport au truc où tu as fait le test, ça doit être 5, hein, mais... De toute façon, oui. J'ai vérifié, de toute façon. Mais j'ai vu qu'ils en avaient... Le nombre de sens n'a pas changé, ne t'inquiète pas. Oui, mais même l'amertume, c'est un goût. C'est un goût, c'est ça fait partie du goût. Non, non, ils voulaient... je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Parler de... Je sais pas, j'ai... Non, mais ça, c'est parce qu'il y a un truc politique en ce moment. Le mariage pour tous. C'est pour cacher un petit peu comme... Eh, au fait, vous avez vu, on a découvert une nouvelle planète. En fait, c'est pas une nouvelle planète, c'est... C'est une planète ancienne, mais bon, elle était par là, et on savait pas trop, bon, bref. Et donc, en fait, non. On a ni 5, ni 6. On posséderait au moins 9 sens. Et les deux dans le cul, ça n'est un Non, c'est le toucher. Le toucher rectal. Oh, c'est dommage. Ah, je suis déçu. Donc, après, total, il existerait une vingtaine de sens. Nous, on en posséderait officiellement au moins 9. Oui, parce que déjà, on a le sens du temps qui passe. Est-ce que du coup, ça peut compter dedans ou... Ah, c'est intéressant. C'est très possible. Ce n'est pas compté. Parce que du coup, c'est ni les 5 sens, on va dire, primaires, ouais, mais on a quand même conscience alors, que. Les sens supplémentaires sont dans cette idée-là, mais celui-là ne fait pas. Oui, c'est dans la prise de conscience que. Là, on pourrait s'appeler ça comment? La temporalité. Réalité, ouais. Une temporalité-ception. Ouais. Une temporaception. Alors non, par contre, donc il y a les cinq sens qu'on connaît, le toucher, le goût, l'odorat, la vue. J'ai oublié le cinquième. Oui, voilà. Le rectal. Donc à ces cinq-là, on peut au moins ajouter la thermoception, la chaleur, le fait de ressentir la chaleur. C'est pas le toucher. Là, on sent qu'il fait chaud. Pourtant, on ne touche pas du chaud. Le fait de ressentir une température, ça s'appelle la thermoception, et c'est reconnu comme un sens. Ouais. Oui. Oui, non, mais après, c'est sujet à débat, parce que c'est quand même des trucs qui ça a été sujet à débat. Après, oui, c'est... Oui, ça peut... Ça a été sujet à débat, et c'est devenu... Il y a eu un accord sur le fait que ce soit effectivement un sens. Oui, parce qu'on ne touche pas directement, c'est pas les... On va dire les capteurs du toucher qui disent voilà, on t'a touché. C'est pas le toucher, c'est indépendant. Oui. Ensuite, on a l'équilibrioception. Ah oui. Oui. C'est logique. Pareil. C'est tellement logique. Bah ouais, si on n'a pas l'équilibrioception, on se casserait la gueule tout le temps. Quoi. Bah oui, puis on serait allongé. Tu perds ton sens de l'équilibre. Tu te fais allonger, hein. C'est un sens, et pourtant, c'est lié à rien d'autre. Oui. La nociception. La nociception, c'est le fait de ressentir la douleur à l'intérieur du corps, dans les organes internes. Ah. C'est pas le toucher non plus. Ah oui. Parce que c'est interne. Oui. Ça, mais c'est un toucher rectal. C'est quelque chose que tu ressens. Quand t'as mal à l'estomac, les choses comme ça, c'est de la nociception. Mais c'est un sens. Du coup, alors, dans le cas, de la chirurgie, où le médecin va te toucher à l'intérieur. Toi, tu le ressens comment? Comme... Dans le cas d'une chirurgie où on va te toucher à l'intérieur, en général, t'es anesthésié, donc... Oui, mais t'es anesthésié. Toi, tu le ressens pas, mais t'as quand même le... Alors, si un djihadiste... T'as quand même quelque chose qui se passe. Bah, vu que t'es anesthésié, ta nociception est annihilée, en quelque sorte, à ce moment-là. Et si Jonathan Falcon t'en cul? Donc, si on te touche à l'intérieur, là, c'est plus du toucher, en fait, si tu veux. Ouais, oui. T'es plus dans la nociception. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, je sais pas comment ça a été débattu. Ouais, défini. Parce que. Oui. Mais quand t'as envie de péter, c'est compliqué parce que c'est à l'intérieur. Et tu peux quand pas, t'as envie de péter. T'arrives pas à savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, en fait. Tu sais pas. Et pourtant. Mais quand t'as envie de péter, tu le sens. Mais t'as pas mis tes doigts. Bon. Ça te met un petit peu crâne, hein, quand même. Et donc, le dernier, le neuvième sens, c'est la proprioception. Alors, c'est un truc. Non. Hein? Voilà, c'est le fait de savoir où sont tes membres, où sont tes bras, où sont tes jambes, même quand tu as les yeux fermés, que tu es dans le noir. Mais est-ce que les communistes là, sont pour je sais où sont mes, là, je sais où sont mes mains, je sais où sont mes pieds, même les yeux fermés. C'est super difficile à s'imaginer comme ça, et pourtant c'est un sens. Il y a une femme, je ne sais plus dans quel pays, je ne sais plus où, qui a perdu son sens de la proprioception. C'est inimaginable pour nous de ne plus savoir où sont nos bras, où sont nos jambes. C'est la perception. Ouais, mais après, on peut avoir des cas, par exemple, où tu dors dans une position qui endort ton bras. Et donc, du coup, tu sais plus où est-ce qu'il est. Et tu lèves, et en fait, tu lèves juste ton bras, mais après, t'as l'avant-bras qui vient te taper à ton bras. La proprioception, voilà, c'est plus dans le cas d'un aveuglement, où tu n'as plus la vision, en fait. Oui, la perte d'un sens de repère. Après, je sais que quand tu fais du canoë-kayak et que tu as une rame, qu'une seule rame, qu'un seul bout, et que tu tiens, du coup, je crois que c'est l'olive qui est au-dessus, ils disent toujours de toujours tenir là où tu as l'olive, en fait, donc le côté de la rame, parce que tu sais toujours où est ta main. L'autre qui est au milieu, tu sais pas, mais celle-là, tu sais toujours. Donc, tu peux toujours la digérer. Et la diriger. Voilà. Ouais, donc, ça, ce sont les 9 sens que possède un homme. Après, il y en a d'autres. Je ne les ai pas notés, mais il y en a un, c'est genre la somnoception. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est... La xénophobie, c'est un sens? Le fait de se repérer par ondes sonores, genre des chauves-souris ou des dauphins. Ah, oui. D'émettre des ondes sonores et de se repérer grâce à ça, c'est un sens aussi. Oui, bah, nous, on ne l'a pas parce qu'on n'est pas sensible aux ultrasons, on ne les entend pas. Ils n'ont pas l'acuité visuelle, donc du coup, ils n'ont pas le sens de la vision, mais voilà. Ils compensent par ça. Ouais. Voilà. Si vous allez sur Wikipédia, que vous cherchez les sens, vous avez une liste de tous les sens, même ceux que ne possède pas l'homme, et vous allez voir un petit peu tout ce qu'il y a. Ben dis donc. Question suivante. Quelle est l'activité qui fait le plus de morts? Est-ce que vivre est une activité? Monter les escaliers. Faire l'amour. Faire l'amour. Dormir. Manger. Non. Moi, je pensais que c'était dormir. Manger aussi, hein, ça fait dormir ça fait plus de morts. Ah oui, du coup, par... Moi, par... je pensais, hein, mais c'est pas ça la réponse. Ouais. Oui, par enchaînement, parce que tu peux, du coup, t'endormir au volant d'une voiture et ça compte comme quoi... Combien de personnes qui meurent pendant leur sommeil, quoi? C'est énorme le nombre de personnes qui ne se réveillent pas de leur sommeil. Plus que couper un arbre. Et pourtant, il y a des trucs encore plus mortels que ça, comme la guerre. Caca. Ils font caca, ils forcent trop. Les croisades. Ouais. Les croisades. Les croisades, ça fait bien mourir les gens. Surtout, ouais, quand t'as 10 000 clampins qui t'arrivent dans la tronche, ouais. Ah, ça tue. Hein. Faire caca. C'est en force et le cœur, il supporte pas. Et après, on meurt. Ouais, ouais, peut-être une guerre ou... La guerre, hein, ça fait beaucoup de morts. Hein. Ouais. Le gaz moutarde. C'est ça tue. Non, c'est bon, j'ai dit, c'est dormir. Non, je sais pas. Toi, au début, j'étais parti sur les voitures. Vraiment avec tout ce qui est à côté. Mais du coup, ouais, les guerres. Ouais. Non, je crois que je dirais les guerres. Même si c'est pas la réponse, mais je dirais les guerres. Ouais, moi aussi, j'aurais dit soit la guerre, soit le sommeil. Et pourtant, c'est le travail. Ah, mais ils avaient raison alors! Le travail, c'est tabou! On en reviendra tout ça! Le travail fait plus de morts que la drogue, l'alcool ou la guerre. Et pourquoi ils interdisent pas l'État? Hein? Le travail fait plus de trois fois plus de morts que la guerre. Alors il y a un bureau de statistiques. Ah, ça t'épate, hein? Des mecs qui ont rien d'autre à foutre. Hein, un bureau de statistiques aux USA qui ont établi une échelle de dangerosité des travails qui s'appelle l'échelle de Duckworth. Je ne vais pas regarder. Et Jonah Falcon, il l'a ou pas? C'est donc, pas un travail. Et pourtant, quand ça te rentre dedans, ça te travaille. À votre avis, petite question subsidiaire, quel est le travail le plus dangereux? Maçon. Le plus mortel. Le truc à la con, genre où t'es assis et. Laveur de carreaux. Non. Ah oui, laveur de carreaux. Sur les immeubles. Laveur de carreaux, il y a quoi? Il y a deux mecs quoi. Pire, s'il meurt, c'est deux quoi. C'est pas beaucoup. C'est deux, mais c'est pas beaucoup. Une connerie où t'es stressé ou. Où t'es assis, non? Ou contemporain. Je sais pas. Non, parce que j'allais dire après, ceux qui vont à la guerre, c'est un travail. Oui, ouais, c'est sûr qu'un militaire. Les militaires. Et pourtant, a priori, il y a un travail qui fait plus de mort que les militaires. Que ça. Je sais pas, hein. Faudrait chercher sur l'échelle de Duckworth, mais... Les souffleurs d'éoliennes. Je vais voir si je trouve l'échelle de Duckworth. Les souffleurs d'éoliennes. Quoi, il y a des gens qui tournent... Ouais. Les pales des... Il y a les tourneurs et les souffleurs d'éoliennes. C'est deux métiers très différents. Deux méthodes, deux écoles qui s'affrontent. Non, je sais pas. Quel est le métier? C'est pas banal. Donc c'est un métier répondu. Je sais pas du tout. Peut-être Jonah Falcon, il peut pas faire autant de morts. Déjà c'est pas possible. C'est peut-être comme ça. J'ai pas trouvé l'orthographe en fait de quoi. Ah. Alors en attendant, on va se faire un petit bruit. Ne mets pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Ouais. Lapin du métro. Lapin du métro dodo quoi. Ouais. Métro, boulot, sodo. Je connais pas l'orthographe en fait de Duckworth, donc je ne suis pas réussi à trouver. C'est pas un canard Worf. Et non. Ah, un canard passe. Et puis il est long. Puis il est long. Et donc a priori, le travail le plus dangereux, c'est bûcheron. Timber. Oui. Alors c'est une échelle de dangerosité donc. C'est pas forcément ce qui a fait le plus de morts, mais oui, c'est le plus dangereux. En termes de dangerosité de travail. Oui. Il faut mieux pas se louper, hein. Ouais, si tu prends le bûcheron, si tu prends juste le bûcheron qui coupe en arbre, voilà, donc ou le bûcheron sur. Combien, sur je crois que c'est calculé sur 10 ou un truc comme ça. Et donc, ouais. T'as le bûcheron, t'as plein d'autres métiers qui sont avant militaire, je crois, ou un truc comme ouais. ça. Je sais plus. Oui, parce qu'au final, militaire. Tu meurs qu'en cas de guerre et ou d'accident. Oui. enfin, un métier où tu meurs sans accident, ça sert à rien, à part le crash test. Je fais monsieur crash test. Il ne faut pas avoir beaucoup d'expérience dans le métier. Non, aucune. Question suivante. Quelle est la plus grande construction humaine sur Terre? Pyramide de je sais plus où. Je dirais. Un temple. La muraille de Chine. Ouais, la muraille de Chine. C'est le plus grand. Ouais. Alors c'est une légende urbaine aussi, mais on est pas là-haut de la Lune. Non, c'est faux ça. C'est faux. Effectivement. De quoi? La muraille de Chine. On dit qu'elle est visible depuis la Lune. Non, alors que je crois que c'est un mec qui était dans une station orbitale. Il dit bon, on la voit même pas déjà, alors qu'on n'est même pas sur la Lune. Elle est trop petite en plus en termes de largeur. Oui, au moment que tu es sur la station internationale, déjà tu la vois plus. Ouais. Oui. Ah, la muraille ou. Bah, non, il ne doit pas y avoir beaucoup de constructions humaines que tu vois depuis. À mon avis, tu ne dois pas en voir. Du tout. Du tout. Non. À partir tiens, il y a un pâté là-bas, ça doit être un peu à partir d'un certain moment, si tu dois pouvoir peut-être voir une ligne. Mais, ouais, mais il faut être pas très très loin, quoi. Oui, ouais, c'est ça. C'est, après, c'est, je sais pas, peut-être une connerie, mais 10 000 km au-dessus bah, de la Terre. Enfin, ouais, c'est bien, ouais. Ouh, les dieux. Donc, la plus grande construction. Ouais. Ouais, le réseau ferré des SNCF. C'est un monument. Ou c'est un regroupement? C'est une construction, c'est pas un monument. Oui, non, mais oui, non, parce que je suis parti sur les. Ah, c'est un peu ambigu. Bah oh, ouais. Je dirais que c'est un peu ambigu. Mais voilà, tu dirais forcément le muraille de Chine, vu qu'on dit qu'on la voit depuis la Lune. Le réseau ferré. Pour moi, c'est les pyramides où t'as, je crois, c'est de Gizeh ou. Ah oui, d'accord, oui, je vois. C'est les pyramides égyptiennes, ouais. Donc, oui, voilà. Le Gizeh, ok. Où t'as les trois qui sont. Ouais, la plus grosse. Ouais. Elles sont plus que ça, en fait, je crois. Oui, oui. En réalité, elles sont 4 ou 5. Oui, mais t'en as 3 qui sont vraiment visibles. Ouais. T'as une grande, une moyenne, une petite, mais après, il y en a d'autres. Eh bien, la plus grande construction humaine. C'est la décharge de Fresh Kills. Okay. La décharge de Fressenheim. Qui est plus grande que la pyramide. La pyramide ou que la muraille de Chine. Et en fait, c'est la décharge de New York, en gros, sur Staten Island. Elle fait 890 hectares. Elle est monumentale. Et ça en fait de la merde. Donc, depuis, elle a été fermée. Alors, je ne sais plus en quelle année elle a été fermée. Elle a été rouverte exceptionnellement, je crois, à l'occasion du 11 septembre. Pour mettre les gravats. Voilà, c'était le seul endroit. Ouais, susceptible d'accueillir proche. Voilà, c'était le seul endroit susceptible d'accueillir les gravats de la destruction des deux tours. Et puis elle a été refermée par la suite. Hein. Et depuis, il y a eu un projet pour faire un jardin. Pour tout cacher. Mais bon, un jardin sur une décharge. Ils ont intérêt de bien nettoyer avant. Ouais. Il va y avoir du mercure. Je sais pas où ça en est à l'heure d'aujourd'hui, ce projet-là, mais. Et puis surtout, ça va être un petit peu enfoui aussi. Il doit y avoir des substances qui ont dû. Oui, en plus, s'infiltrer dans la terre, voilà. Exactement. Mais en tout cas, voilà. La décharge de Fresh Kills à New York sur cette année. Il doit y en avoir des jeux Nintendo et des jeux E.T. Alors, quelle est la plus grande montagne sur Terre? Elle est sous l'eau. La plus grande, tu veux dire en hauteur ou en totalité? En hauteur. En hauteur. Elle est sous l'eau. Bah, normalement, c'est l'Himalaya. Non, elle est sous l'eau et c'est le... Normalement, c'est l'Himalaya. Ah oui, ouais. Si c'est, c'est la fissure que tu vois dans Pacific Dream. Elle est pas comme sous l'eau. Hein? Elle est pas sous l'eau. Ah, donc c'est bien. Il y a une partie sous l'eau, en effet. Ah, forcément. Oui. Mais de toute façon, t'as toujours une partie sous l'eau. Elle est pas sous l'eau. C'est vrai. Enfin, ça dépend quand même. Bah. Non. La Terre, t'as forcément une partie immergée, une partie. Ah oui, bon, on fait les loin quand même. Ah. C'est qu'au bout de moi, ça touche quand même la Terre, donc. Donc t'as une partie sous l'eau et une partie. Et c'est la totalité. Mmh. Donc une partie. Je sais pas. Ma bite. C'est le Mauna Kea. qui est un volcan de Hawaï, en fait, de l'île de Hawaï. C'est un des points culminants de l'île de Hawaï. Et donc, en fait, si tu comptes. Les deux, ouais. À partir de la base, vraiment de la base, hein, il fait 10 km. Il fait plus de 10 km. C'est très bête, hein. Voilà. Mais. Ça en fait des kilomètres en vélo. Du coup, comment tu calcules la base? La base, c'est à partir du moment où le dénivelé, doit devenir. Ouais, il doit y avoir un certain dénivelé. Oui, parce qu'à un moment, t'as bien, on va dire, la montagne qui va faire une courbe en fait en L. Bah, ouais. En L, ou à un moment, ça va être plat. Comme ça. Ouais. Mais il doit y avoir un certain pourcentage de pente qui doit définir le début d'une montagne. En fait, je sais pas comment c'est calculé exactement, mais ça doit être quelque chose comme ça. Oui, ouais, ça va être vraiment un gros paramètre sur le pourcentage d'inclinaison et sur la distance, voilà. Je pense. Donc, si c'est juste un petit truc qui fait comme ça, ça... Non, ça compte pas. Moi, j'aurais dit ma bite, parce que ma bite est en volcan. Ma bite, ma bite. Et donc, voilà, donc le Mauna Kea, qui est donc la plus grande montagne sur Terre. Le Mauna Loa, qui est un autre sommet, qui alors, à ce moment-là, qui est... alors c'est une autre manière de comptabiliser une autre montagne la plus grande sur Terre, c'est si tu prends à partir du fond du Pacifique jusqu'au sommet du Mauna Loa, ça fait 17 km. Pas mal. Oui. Voilà. Et donc même l'Himalaya n'est pas le sommet le plus haut par rapport au centre de la Terre. Oui, oui. Parce que la Terre n'est pas ronde, mais elle est un peu aplatie, un peu ovale. Donc plus t'es vers l'équateur, plus t'es éloigné du centre. Oui. Et donc j'ai pas noté non plus. Il y a un sommet qui se situe quelque part en Amérique du Sud, qui est lui le plus loin par rapport au centre de la Terre. Voilà. Oui, donc c'est vraiment plus proche de l'équateur. Voilà, il faut être le plus proche possible de l'équateur. Oui, bah, de toute façon, oui, non, mais ça. Pour être le plus loin du truc. Donc après, si tu prends en plus la distance, je crois qu'il fait 6200 mètres, un truc comme ça. Mais compte tenu de la distance qui a en plus dû à l'écrasement de la Terre, en fait ça fait plus loin du centre de la Terre par rapport à l'Himalaya et par rapport au Mauna Kea et au Mauna Loa, enfin par rapport au Mauna Kea. Alors quel serait le meilleur survivant à une guerre nucléaire? Pas Adolf Hitler en tout cas. Le meilleur en termes d'espèces. Ouais. Qu'est-ce qui survivrait le mieux à une guerre nucléaire? La blatte. Ouais. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Ouais, le cafard. Hein. On dit souvent que. Il arrive même à passer le micro. Pas longtemps, mais. Ouais. Voilà, j'ai un doute entre. Est-ce que du coup, tu comptes pas les plantes? Non. Ben, il y a des plantes, c'est costaud aussi. Ouais, pour toi. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de plantes qui résistent aux radiations. Oui. Bon, il y a des trucs qui résistent au Roundup. Oh. Mais je sais pas. Une fourmi, je sais pas, ça. Déjà le rat, imaginez déjà le rat. Je suis pas sûr que le rat il résiste. Ouais. Non, mais déjà le rat, il en faut. En tout cas, nous, un être humain, on résisterait pas. Non, ça c'est clair. Mais toi, là. À Hiroshima, ils en ont fait la preuve. Quand tu mets une fourmi dans un micro-ondes, pour ça. Quand tu mets une fourmi dans un micro-ondes, la fourmi reste vivante. Ouais, mais c'est pas nucléaire. Hein. Non, mais je me dis, elle est peut-être vu que tu sais ça. Parce que tu mets à peu près n'importe quel insecte qui survit dans un micro-ondes. Pas sûr. L'insecte est dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. Non, mais je sais pas, ouais, à part le cafard ou. Parce ouais, que ça, le c'est, cafard, ce qu'on, c'est le on dit, donc ça va voilà, pas être. Voilà, c'est l'idée reçue. Ouais, je pense pas, du coup, c'est ce qu'on doit dire, donc. Il y a des bactéries aussi. Bien joué. Ouais. C'est une bactérie. Il y a des trucs, c'est indestructible, monocellulaire, là, les trucs, enfin. Le plus résistant à une attaque, à une guerre nucléaire, pour radiation. C'est un truc nucléaire. C'est une bactérie. Qui s'appelle la bactérie Deinococcus radiodurans. Pardon. Également appelée Conan la bactérie. Ah, oui. Voilà. C'est une bactérie qui a été découverte lors d'expériences. Un article, non? Non. C'est des expériences en fait où on a bombardé des boîtes de conserve de rayons gamma. Ouais. Et paf, ça fait une. Et paf, on a découvert cette bactérie. On s'est dit, putain, elle résiste. Et donc après, ils ont fait plein d'études sur cette bactérie et ils se sont rendus compte que ce serait donc l'organisme, en gros. Bruce Banner peut-il en dire autant ? Le plus résistant à plein de choses, la bactérie. Elle, elle est ultra résistante à plein de situations extrêmes. Les produits chimiques génotoxiques. Ah, quand même ! Les dommages de l'oxydation, les rayons ionisants et ultraviolets, la déshydratation. Enfin, elle est vraiment résistante à tout, quoi. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça Conan la bactérie. Déjà, la déshydratation, je crois que c'est le pire. Ouais, enfin, quand t'es. Ouais, les produits chimiques génotoxiques, ça doit pas être. Ah non, mais déshydratation, t'en tues les trucs avec ça. Et donc, du coup, petite anecdote par rapport à ce truc que j'ai entendu également, je crois, dans un épisode d'Exo 7, l'histoire d'un japonais qui est le seul homme à avoir survécu à deux bombardements nucléaires. Putain, on avait déjà résisté à tous les Transformers, déjà c'était balèze. Alors lui, le mec était à Hiroshima le jour du bombardement. Mmh. Il était parmi les survivants. Il y a eu quelques survivants, pas beaucoup. Le mec, il était là pour un entretien par rapport à son travail ou quoi que ce soit. Bah, il s'est pris la bombe atomique sur la gueule et tout, mais bon, un bon japonais, il retourna à son travail pour faire son rapport à son patron et tout, tu vois. Mourir et c'était à Nagasaki ? Exactement. Le mec retourne à Nagasaki et se prend une deuxième bombe sur la gueule. Et je parie qu'ils n'ont même pas donné la retraite. Et le mec n'est pas mort. Il est mort à l'âge de 80-90 ans. Ouais, sans effet de radiation ni rien. Ah, il a dû être irradié quelque petit chose. Peu, mais le mec est mort de mort naturelle à un âge totalement Ah, mais il y en a qui ont déjà connu des thyroïdes. Et le seul, le seul homme sur Terre à avoir survécu à deux bombes atomiques. Déjà, des bombes nucléaires, il n'y en a pas eu beaucoup déjà. À part sur le Pacifique, on s'est fait chier. Je ne le connais plus. Avec Chirac, on s'est fait plaisir. Il existe un nom spécifique qu'on donne aux gens qui ont survécu à une explosion nucléaire, une bombe atomique, et pas à deux. Donc c'est le seul, quoi. C'est une énigme. En même temps, statistiquement. Ah, putain. Le mec, il se trouve à Hiroshima, il se prend une bombe sur la gueule, il survit. Il rentre chez lui. Il rentre chez lui à Nagasaki, putain. Mais le pas de bol, quoi. Mm. La journée de merde. Putain, enfin, d'ailleurs. La semaine de merde, parce que c'était pas le même jour, quand même. Est-ce que c'est toi qui a quelque chose à voir avec la bactérie qu'on a vue avant? Est-ce que c'est de sa mec, ouais, le mec, ça devait être Conan, la bactérie à lui tout seul, quoi. Je pense qu'on aurait dû lui prélever des organes à la fin. Ok, ils auraient dû analyser sa thyroïde. On aurait pu sauver tout le monde. Il y a dû y avoir quand même un peu de test sur lui. Je sais pas exactement, j'ai pas noté d'autres. Oh, les Japonais se travaillent et puis ça fait un peu. Faudrait rechercher quelque chose comme ça. Bah non, mais. Toi, même militairement ou stratégiquement, si tu survis à une bombe nucléaire. Les Américains, les Russes, bah tout le monde. Vas-y, détruis la Terre, vas-y, ouais. Vas-y, viens, balance ta bombe. Mais peut-être c'est Hulk, on le sait pas. Hulk. Il est vert wasabi par contre, lui. Ça c'est raciste. Non. Mais c'est raciste. Alors, dernière question de ce petit quiz idée reçue. Quelle proportion de notre cerveau utilise-t-on ? 30. Non, j'allais dire comme dans Lucie, 10%. Ouais, 10%, quoi. Oui. 10%. Non, je sais pas. Et combien de pourcentage de notre kick on utilise, nous ? Zéro. Enfin, toi. Comment ça ? Les animaux peuvent-ils en dire autant ? Là, je... Déjà, on n'a pas la... On sait pas la capacité qu'a de calculer notre cerveau. Donc, l'utilisation... Toi, je pourrais pas. Vu l'utilisation qu'on a fait avec l'ordinateur, on n'est pas prêt de savoir avant longtemps. Je sais pas. Pour moi, on peut pas quantifier, je pense. Et pourtant, la réponse est très simple. Zéro ? Non, 100%. On l'utilise mal ? On utilise 100% de notre cerveau. Seulement. Oui, mais pas à fond tout le temps, je sais pas, 100%. Jamais 100% en même temps. On utilise 10%. C'est, 10%, c'est à peu près ce qu'on utilise. En permanence de notre cerveau. Oui. On utilise absolument oui, à un moment, 100%. Oui, à un moment T, on a 10% du voilà. Cerveau qui est occupé. Si on utilisait 100%, déjà si on utilisait 30% de notre cerveau en permanence, la dépense énergétique de notre corps serait énormissime. On devrait bouffer tout le temps pour récupérer et tout. ça serait énorme. Donc 100%. En fait, on pourrait pas survivre en fait sur 100%. Oui. Ça serait beaucoup beaucoup. Comme ton processeur. Pour notre corps. Mais après, je pense, tu vas quand même avoir des zones qui sont jamais activées. Ça, je pense pas. Je pense que a priori, on utiliserait vraiment tout notre cerveau à un moment ou à un autre de notre vie pour faire quelque chose. Si on n'aurait pas, ça serait pas là. Quoi. Si on avait une partie de notre cerveau qui nous servait pas, on ne l'aurait pas en fait. Ça voudrait qu'on aurait une partie du cerveau qui est morte. Oui. Ça voudrait qu'on survivrait pas tout simplement. Même après, en termes d'évolution, on l'aurait pas eu. Voilà, exactement. Exactement. Ouais. Donc voilà, on utilise pas 10%, mais 100% de notre cerveau, mais 10% en charge. En gros, c'est 10%. On est un mauvais processeur. Voilà. Bah non, c'est que ça serait beaucoup trop gourmand en fait. Mais c'est ça. Ouais. On serait des espèces de Pentium 4 presque autre, quoi. C'est un peu ça. On boufferait 200 watts à nous tout seuls et. Ouais, tu t'imagines, on a 200 milliards de neurones. Il y a un peu quoi, en ampères, imaginez, les enfants. Oui. En ampères, oui, là on va commencer à en perdre. À notre âge, on a fini d'en produire, on commence à en perdre. Vu la connerie qu'on a, tout ça fait, je crois que ça fait déjà très longtemps qu'on en perd. Est-ce que vous avez une idée de la surface qu'on pourrait recouvrir si on. D'étaler toutes les connexions neuronales de notre cerveau en fait. Je crois déjà qu'avec les poumons on pourrait couvrir un stade de foot. Juste avec un poumon ça serait énormissime. Il y a plein de plis, plus que sur ta mère. Pardon. Attends. Voilà. Ah, ils sont presque moins en retard qu'au premier épisode. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on a commencé le verre, c'est pour ça. Non, j'ai plus qu'un stade de foot quand même. C'est beaucoup, beaucoup. Oh, j'imagine. Toi, moi, j'aurais dit. Tu m'aurais dit ça, j'aurais dit la France. Je connais pas la superficie de la France. Mais si on étalait des connexions, si on étalait un cerveau, si on avait aplati. Des connexions neuronales de cerveau, ça représenterait 25 000 km². Ah, quand même. 25 000 m², pardon, pas km². C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Ça fait beaucoup de stades de foot, ça fait quelques stades de foot. Pour aller jusqu'au but adverse, ça va 100 minutes. Hein. Ouais, mais après, c'est la question. Est-ce que c'est vraiment les connexions à plat ou c'est une connexion en ligne? Si tu mettais tout à plat. Oui. Ça, c'est 1 m². Donc, Oui. À plat, mais 1 m², tu peux avoir 1 m² sans que ça soit 1 m. Oui. Non, si on fait un fil, on ne peut pas calculer les mètres carrés. Ah non, mais tu peux avoir en longueur. Ah ouais, sinon... Puis après, tu l'enroules comme ça. Ah oui. Ah oui, ouais. Puis après, ça... Ouais. Mais ça fait beaucoup quand même. Ça fait énorme. Énorme. Comme ma bite. Tant. Ouais. Non, mais le comme ma bite, c'était pas mal. Ah, pardon, alors je me suis là. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi, drop the mic. Oui. J'espère que toutes ces petites questions vous ont appris des choses. Oui, mais si je vais sûrement les oublier. Si vous voulez en savoir plus et savoir tout ça, écoutez l'épisode d'Exo 7 qui s'appelle Idées reçues. Voilà. Okay. Comme ça, vous aurez beaucoup plus d'informations que ce que j'ai pu vous donner. Oui, de toute façon, ça sera mis dans l'article du podcast. Bah, merci. Drop, baby. Donc du coup, on va arriver à la dernière partie. L'instant musique. Ah, attention. Je ne comprenais pas. Je me dis, mais vers où nous mène cet homme? Attention, jingle. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Donc on va chanter. Et on va chanter. Et on a parlé de quelle musique tout à l'heure? Que je vais mettre à la fin? Oula. Émilie Simon. Émilie Simon, oui. mais je crois que je l'ai là, donc on va pouvoir peut-être même. C'est toi qui avais tout prévu. Même dans l'improvisation, il savait. Non, parce que j'ai déjà mis justement au quoi qu'il se passe de la fouillade, c'est le générique de fin. Là, peut-être. Bon. Ouais. Moi, je n'écoute pas ce que je fais, comme le caca. Je m'en vais, je tire la chasse. Sans regarder si t'as bien tiré la chasse ou pas. Mais bien sûr. Pas regarder si ton caca flottait. S'il faisait le crocodile. C'est important de savoir si ton caca flotte, c'est que tu manges trop fort. C'est vrai. Si le caca flotte, c'est que le caca est gras. Donc c'est que t'as mangé trop gras. Et c'est au bout du polystyrène. c'est différent. Attention, musique. Dès les premières lueurs. cheveux sont prêts. Just.